T'es là? Tu m'entends? Ça va? Tu m'entends si je joue comme ça? Je vais peut-être mettre moins fort le micro. Ou le couper pendant que je joue. Si tu m'as pas assez fort, fais deux gros coups. Si tu m'as assez fort, fais un seul gros coup. C'est bon? Et puis, si moi je monte le volume, tu me dis si ça monte chez toi? Ok, alors attends, faut que je baisse un peu mon ninja. L'envoi. Tu me dis maintenant? Rassure, il me semble. Et tu déchires à la gueule maintenant en fait. Ah putain, ça snab. Vas-y, joue. Je ne comprends rien.